rentrer dans la pyramide. Je veux monter dans la pyramide. Je veux rentrer dans la pyramide. Je veux monter dans la pyramide. Vous observez dans la pyramide. Être au sommet dans la pyramide. VIP dans la pyramide. Des reptiliens dans la pyramide. Je veux rentrer dans la pyramide. Je veux monter dans la pyramide. Je veux rentrer dans la pyramide. Je veux monter dans la pyramide. Vous observez dans la pyramide. Être au sommet dans la pyramide. VIP dans la pyramide. Des reptiliens dans la pyramide. Je représente les pyramides. Les vampires de Pennsylvanie. Les attaquants comme Inzaghi. Les mongols de rats qui sortent de psychiatrie. Je suis un génie comme Vivaldi. Une légende comme Lenny Kravitz. J'ai assuré ma dynastie. Dans le 9-1, c'est la zizanie. Posé au calme, je vis ma vie. Camouflé entre Ikaki. Y'a pas me déranger, j'ai frite la I. Je fronce des yeux qu'on me fasse une petite gâterie. Repose en Pétieri Gilardi. J'ai m'allumé un petit garci. Avec Bosnou la piraterie. Dédicace à Fetri et à Gilali. Le micro, y'a pas que moi qui le manie. Vandarisme, j'ai l'esprit de famille. Studio bunker, y'a de la dynamite. Tu cherches des putes, va sur Viva Street. Je vais aller serrer ta petite amie. L'emmener sur baiser au Grimaldi. Je peux pas effacer mes cicatrices. Survivant de l'enfer, comme un Shibani. Les bolos sont l'air si ravis. Je peux te procurer tout ce que t'imagines. Prends pas pour un Illuminati. Ici ça tire, comme à Cincinnati. Rachida Dati, Saïdati. J'porte les plus beaux tissus d'Italie. Comme Monica Lewinsky et Hilary. J'éjacule vite, je suis si rapide. Je veux rentrer dans la pyramide, salope. Je veux monter dans la pyramide, salope. Je veux rentrer dans la pyramide, salope. Je veux monter dans la pyramide, salope. Vous observez dans la pyramide, salope. Être au sommet dans la pyramide, salope. VIP dans la pyramide, salope. Des reptiliens dans la pyramide. Je veux rentrer dans la pyramide, pute. Je veux monter dans la pyramide, pute. Je veux rentrer dans la pyramide, pute. Je veux monter dans la pyramide, pute. Vous observez dans la pyramide, pute. Être au sommet dans la pyramide, pute. VIP dans la pyramide, pute. Des reptiliens dans la pyramide. Y a pas que l'argent qui se dilapide, pute. Comme sur l'agence a dit la weed, fume. Je suis vif comme maître Miyagi. Ou les enfants dans Ninja Kids. Ce papillon sort de sa chrysalide. J'encule les sionistes comme Richard Gere. Les actrices comme Hopkins Tiffany. Et les avocates comme Ali McBeal. Je suis prêt à ce qu'on m'hospitalise. Pour protéger du froid comme Vitalis. Bien bouffer mon épi de maïs. C'est à Evry que je me revitalise. Je veux que mes projets se finalisent. MC va faire de la gymnastique. Ou bien va prendre des vitamines. Tu vas couler comme le Titanic. Attention quand mon équipe arrive. Attention. Tu sais que personne ne rivalise. Non. Je suis non. Le meilleur affirmatif. Même ton appart, je le privatise. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Radicalise même Alicia Keys. Et la pire actrice, la tyrannise. Je repense à Mostefa et Koulibaly. Je veux rentrer dans la pyramide. Je veux monter dans la pyramide. Salope. Je veux rentrer dans la pyramide. Salope. Je veux monter dans la pyramide. Salope. Vous observez dans la pyramide. Salope. Être au sommet dans la pyramide. Salope. VIP dans la pyramide. Salope. Des reptiliens dans la pyramide. Salope. Je veux rentrer dans la pyramide. Salope. Je veux monter dans la pyramide. Salope. Je veux rentrer dans la pyramide. Salope. Je veux monter dans la pyramide. Salope. Vous observez dans la pyramide. Salope. Être au sommet dans la pyramide. Salope. VIP dans la pyramide. Salope. Des reptiliens dans la pyramide.